Le soleil d'aujourd'hui déjà se dissipe dans les ténèbres d'une autre attente. Elle ne gît plus à mes côtés, ni ne me livre le printemps tant désiré. Ni à mes côtés. Cette voûte céleste, parmi les étoiles que le ciel a préférées, nos regards se sont égarés, jour après jour. Moi survivant de la peur errant, elle enrichit par de nouveaux prétendants, calmant des mers que des ouragans, poussés d'étrangers au temps. Les années avec des sorcières qui me piègent, tandis qu'elles détricotent des flanelles de coton moisi. Le long de cette